L'heure vous est offerte par Terre Animaux, votre animalerie préférée. Deux adresses, rue de l'Industrie à Jarry et Zac de Dotema à Rosabim. Nostalgie, il est 6h. Vous écoutez Nostalgie. Tout de suite, les infos. Bonjour à tous. La dernière compagne de Cédric Jubilard, entendue par les enquêteurs aujourd'hui. À 2 mois de l'ouverture de son procès, Cédric Jubilard aurait avoué le meurtre de Delphine Jubilard, son épouse. L'ex-compagne a affirmé auprès du Parisien avoir recueilli des aveux de ce dernier lors d'un parloir. Il aurait avoué le crime et le lieu où le corps de Delphine serait enterré. En dépit d'un nombre record de recours, la ministre de la Culture, Rachida Dati, sera bien jugée pour corruption. L'ex-députée européenne sera jugée en correctionnelle, ainsi que Carlos Ghosn, ancien PDG de Renault-Nissan. Elle est soupçonnée d'avoir touché 900 000 euros du groupe automobile contre des actions de lobbying au Parlement européen en plein mandat de députée européenne. 17 nouvelles plaintes déposées aujourd'hui au tribunal de Pau dans l'affaire Betaram. Au total, depuis 2024, 217 plaintes ont été transmises aux magistrats de Pau. Elles concernent notamment des violences physiques, des agressions sexuelles et des viols commis par des prêtres et des surveillants de l'établissement privé catholique du Béarn. Après la signature des accords entre le MEDEF, la CFDT et la CFTC en 2024, le décret abaissant le droit à la retraite progressive à 60 ans contre 62 ans a été publié au Journal officiel. Il doit permettre aux salariés relevant du régime général, spéciaux et notamment du régime de la fonction publique de l'État de bénéficier d'une fraction de leur retraite tout en exerçant une activité. Dans le reste de votre actualité, réaffirmer le couple franco-allemand et harmoniser leur réponse aux droits de douane de Donald Trump. Emmanuel Macron est attendu à Berlin. Premier déplacement en Allemagne du chef de l'État depuis l'investiture du chancelier conservateur Friedrich Merz en mars dernier. Mobilisation dans la rue en Ukraine hier contre l'abrogation d'une loi qui fragilise la lutte contre la corruption dans le pays. La Commission européenne se dit profondément préoccupée. Volodymyr Zelensky a promulgué la loi hier dans la soirée. On sera fixé dans l'après-midi. Midi, la Cour internationale de justice doit livrer un avis sur la lutte contre le changement climatique et l'aide à fournir aux exposés et aux plus vulnérables. Voilà pour l'essentiel de votre actualité. Belle journée à vous. La vie qu'a coulé complot. Nostalgie. Nostalgie. Les plus grands tubes. Nous aimons toujours, nous aimons toujours. C'est parce que nous aimons. Linda. I have my muchachita Linda, you know. Mais c'est guapa Linda. Big it up. Un petit geste vraiment. laissez pas aller les sentiments. Et nous